C'est le plus grand, le plus charmant, le plus élégant, avec ses gants, ou bien sans gants, à l'arsène. Quand il s'amène, quand il s'en mêle, tout se démêle, tout se dégèle, et sans scène, l'arsène. Quand il s'approche, on cache les broches et les sacoches, il vide les poches, sans arrière-croche, l'arsène. C'est le roi des casseurs, c'est le roi des tombes, il est brillant comme le diamant, rapide comme le vent, l'arsène. Avec son parapluie, sa moustache mise en plis, l'arsène. Avec son flair infaillible, il est irrésistible, l'arsène. Irrésistible et parfois invisible, le bel Arsène. C'est un perceur de coffre-fort, c'est un casseur de joli cœur, le redresseur de tous les torts, l'Arsène. C'est un truand, un gentleman, un bon vivant, étourdissant, jamais perdant, toujours gagnant, l'Arsène. Quand il s'amène, quand il s'en mêle, tout se démêle, tout se dégèle, et sans scène, l'Arsène. C'est le roi des casseurs, c'est le roi des tombes, il est brillant comme le diamant, rapide comme le vent, le bel Arsène.